Bonjour mes chers amis. Bonsoir, bonjour. Oui, bonjour, bonsoir les amis. Nous avons quelques 20-30 minutes il semble que tout moment ce qui est le mot que Zali pour Nambo, il faut intervenir copé ça moi point de vue Nabiso. Je ne sais pas les amis sur Facebook sur Bozo Kanga bien. Et je pense que dans YouTube aussi, Bozo Yokangai, très bien. Mais je pense que l'image sur YouTube de Bongsango, bonsoir. Ah, tout ça va m'atterrir, hein? Voilà. Bon, nous pensons que Bozo a bien. Et nous aussi, malgré emploi du temps à Bissot, beaucoup de choses, beaucoup de papiers passés par là. Voilà, bon. Bandekobazana YouTube, moni, si j'ai un Bissot, tu commis Kabila au Sénat. Félix et Bossono politique. Et Bossono politique. Et Bossono peut-être lingala bien te le kolangai. Et Bossono signifie handicapé. Donc Félix est un handicapé politique. Et voilà. À tout moment, toujours répéter en gros que. En réalité, même si bah, PCO deal, il y a Félix Nakabila, PCO sur papier, Théo Tanga, mais les agissements, ce qui se passe sur le terrain, nous pensons que intellectuel Nyonso a qu'à déduire, dit Luana au juste, c'est quoi? Donc, on a besoin de bailler au pays en haut sur papier. Alors, et toujours, je l'ai dit, que en réalité, d'il y a Félix na Kabila, et ça là, que le pouvoir na Kabila, la sécurité na Kabila, nomination tout Kabila, tout Kabila et Kabila avait accepté que après ça Félix juste les honneurs la finance. Kabila pesa Félix Bakabulakana Félix finance et Félix a un monopole y a honneur. Avant to kota na Mozindo ya lisolo ya lelo. Juste moi d'hiver et je pense ce qui se passe dans le social et Zali qui concerne Pébisso. Tout le monde dans les réseaux sociaux affiche moko y a Jeune Afrique ou Zali Magazine, je pense. Et puis qui s'occupe beaucoup plus de la politique et Afrique. Il y a eu une interview avec la première dame. Binobolobi, première dame est commis institution. Alors, comme est commis institution, donc institution Ezali Ponaba Congolais Nyonso. Alors, comme première dame Ezali institution, loko la présidence, loko la parlement, et Bissopeba Congolais, Tozali obligé, s'il y a une information, concernant l'institution première dame, tolekape topesa totia ba commentaire na biso. Alors, tomoni affiche moko a jeune Afrique oyo est révélé une histoire, une affaire entre la première dame, Madame Denise Nyakeru, et l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango. Et cette histoire na jeune Afrique et Bimi, Madame Nyakeru a fait sa qui interview, et d'office, journal ya jeune Afrique et Limoué. Et Limoué, parce que jeune Afrique a accueilli plus loin. Il me semble, dans 8 mois, contact na un gars qui travaille na jeune Afrique. Oyalobi, oui, la dame, la première dame congolaise a accordé qui interview na jeune Afrique. Et na kati interview na, comme vous le savez, bon, bato baleka ba interview te ba oye bate, ba interview mingi ezalaka vous parlez des histoires oyo en réalité et vous allez réélé na télévision bien na journal bien na magazine et ezali na ba biloko mususu ba causerie mususu ele kakati. Alors là maintenant ça dépend, il y a journaliste oyo ako sepela soit atika makambo sololi pembeni pembeni ou bien a inclure yango. Madame Denise Nyakeru a oublié que wana ezali journal ou bien magazine, il faut faire très attention à la question nyonso bazotuna yo même ezali oyo bakorele yete, il faut faire très attention. Il y a une question qu'on lui a posée sur prétendue affaire naye na monsieur André Kimbuta Yango. Et il semblerait que madame Denise a pesa ki version de fait naye et journaliste a jugé bon akoma Yango. Parce que cette histoire entre Madame Nyakeru et André Kimbuta Yango, Toyoka Yango, Banda Kala na Kuku, Ezalaki, c'est vrai, na Belgique. C'est vrai. Ezalaki, alors, so, komi première dame, Batuming Balobaka, ah, pourquoi prof Ozol Baboye, wana eza vie privée na ye. Vous ne comprenez pas qu'est-ce qui signifie vie privée. Ce qui est commis public, aux alliés sous la vie privée. Ce qui est commis homme ou bien femme publique, vie privée et aux alliés sous la. Il faut que tu yo, au Outa Wapi, au Botama Wapi, ba parana yo banani, tu as vécu où, na banani, au Tanga Wapi, au Sala Wapi. Voilà. C'est ça, so comme homme public. Bino bolobi institution, première dame est comme institution. Alors, pourquoi bolingite to yeba, mais institution ou ya première dame quand même, outa wapi, salanini, vanda wapi. Oui, vie privée, exacte. Vie privée, exacte. Alors, makambu ya vie privée, ya ba institution, nabiso na Congo, ye ko bimakaka juste. Pour la Félix. Avec Laura Désiré Kabila, il n'y avait pas de vie privée. Tu vois, il y a ça. Ah ouais, il dépasse, il y a des bimisi. Non, Laura Désiré Kabila a une affaire na Tchalamouana. Et c'était vrai. C'était vrai. Vie privée, c'est là qu'il était dans Erwana. Donc, je disais que Afdel Erakoti, il dépasse, Baye ko retrouvé biso que il y avait une affaire entre Laura Désiré Kabila et Tchala Mwana. Et ngana yoka ki yango na IDPS. Je passais un jour Karaboyebi, bon, mon message on attend, on a zala qui koluka moi vie, n'abandonne au bête baline 11 mingi. Alors, outinjili, soko lingo pasola, okoma victoire, boyebi kaka bataline 11, hein? Association d'Abissa bataline 11, boyebi. Outinjili, donc il faut pasola, okoma victoire. Alors, quand on a volé Kalabisoana, côté les bâtiments, dans le cadre de l'Opéma, l'Opéma m'a mouké dans le 10e rite au Yoka. Que IDPS va découvrir que Laura Désiré Kabila, Zalaki n'a affaire, n'a tcha la moana, et Zalaki a solo. Après quelques jours, Laura Désiré Kabila, Baboumie, kaka IDPS, Bazana ba service, mon terrible côté à ma vie privée. Ba louke li biso, bah, il faut remarquer que Madame Olive Lembe avait une affaire avec Eric Lenge. Kaka IDPS. Wana nazala ki sous côté ya ko passe la baline 11 T, wana si na komage de ya soleil levant. Mais Toyoka quand même a que IDPS va découvrir comme d'habitude Madame Olive Lembe avait une affaire avec Eric Lenge, et Eric Lenge a limoi. Nana limoui, ça y est, l'homme venu d'ailleurs. Le sénateur le plus fort, ya Congo. Alors, mais lelo IDPS baboyi, batomoussous, ba fouine pe loko la bango, ba ya pe kou découvrir que, oh, l'institution première dame, la Denise Nyakeru, avait une affaire avec le haut sommet. Il y a André Kimbuta Yango. Vous faites très attention, mes chers amis. Hein? Vous faites très attention parce que Toyebite na mukili oyo, comme Mboka Nabiso, comme Mboka Chance et Lokopamba, Mukoloni Oya Okoma, président de la République, ou bien Mukoloni Oya Okoma, présidente de la République, Mukoloni Oya Okoma, première dame, ou bien Mukoloni Oya Okoma, premier homme. Alors, il faut faire très attention na ko tambula na biso nege tozo tambulaka. Faut faire très attention. Tala sikoyo dossier e bomba maki na bafulu ya Kinshasa, ya André ya Kunda dossier na bafulu ya Kinshasa. Alors, toye ko mona ke méthode ya IDPS ala ki sabiso ya ko fouiner ba vie privée, toye ko découvrir que non. Ya André zalaki na ye ko pema ba côté ba Rwanda. Yandre aza muyaka lokola ngai me muyaka oyo ya ndenge nini ha bayaka ba respecta basi ya baninga ah c'est pas bien Erwana Fachi je sais que Fachi Erwana moi galère ezalaki moi muke quand même Yandre quand même hein? Mwana ya radical c'est pas juste ça. Je condamne cet acte, ya André. C'est que, bon, Moutounou sa ebi André Kimbuta, vi na ye, za yango, il court toujours si ma ba jip. Bakendara, y a une place là, la Kinshasa, bat Bakendara, na yoka, c'est quoi ça? Ba benga onin, c'est quoi? On appelle ça quoi? On appelle ça quoi? Kota bandal, bien, kasavou, ou bien, quoi ça? Oh, il y a une place là des prostituées bazala mingi kuna naibi kombo nangote. Alors, il y a André Omonaki Angote. Hein? Alors, bon. Bomona siko ke na famille ya Félix na komi double beau-frère. Na komi double beau-frère. Beau-frère na ndenge ke babala biso. Beau-frère isusu double et okoma ke ya André comme Mouyaka, nga pe na za grand Mouyaka. Alors, ya André, aza pe na mwa ba affinité na kati ya présidence. Alors, na komi double beau-frère. Si koto o sala ndenge nini. Voilà, donc l'UDP s'assume, hein, c'est ça la vérité. C'est une vérité et que, bon, bato IDPS ba yebisa biso. Monsieur Juliette Chakoudia yebisa biso la vie de Madame Denise na Europe. Et zala ki vraiment vit à bien té. Oui, c'est vrai, Zara qui vit à bien. Alors, il faut quoi assumer? Comme première dame, institution, Il faut quoi chimer peuple baye ba que oui au les qui peine vie wana. Donc c'est pas un exemple, c'est pour cela que vous la voyez toujours avec ba photo na ba pasteur prostitué. Hein? Ba pasteur yo ba suyer église prostitué, ba faire na ba kote silina unte, moko ko beta ka basi pamba pamba. Moko mususu kuna donc ndumba. Alors première dame na hébité ce qui ba service d'enseignement et zali. Parce que première dame avant à s'afficher dans ma photo na bateau, il faut voyer ba bateau na baza banani. Faut bon renseigner yé. Bateau yo bazali bandumba, ba pasteur yo baza bandumba, pasteur yo a respecta kabasite. Alors qu'on kanga photo na bangote en public comme ça, ils a bien été. Exemple ni nos opesa. Donc na koyiko muto koyiko violer na yé, ko beta basi, a yebi très bien que so kuta na première dame o kanga ba photo na yé. Bon, balobaka naturel ba bengana kangote hein et loko eza naturel ba bengana kangote ezala okomi première dame so ki vina yo ezala ki andenga paka juma ah voilà c'est ça ndeko moko komelinga ezala vina yo ezala ki andenga paka juma donc ki paka juma ko continue toujours alors ya André en tout cas que moli monayo epe manakimia. Na sina moni déjà suite na yo. Soko tuna kite Eric Lengaza wapi a ya André vraiment je regrette. Hein. Bon voilà. Et une autre chose ezali que excusez-moi. Une autre chose ezali actualité to monaki ministre ya affaires étrangères. Mama wana soki Félix akene olokotaye na bakwanga soki akene olokotaye wapi je ne sais pas na yebite ministre oya affaires étrangères auta wapi est-ce que azali diplomate ou bien elle était juste une dame oya bandai ko kolongola ba ba ba ba ba kolokota lokota ba papier ko ya ko ya. Cette dame a tomonié awa na vidéo. Avant tout, tomoni batu ya béton. Nous dire que non, notre national diplomatie na yezo travaillé bien. A réunir, a co-réunir autour na ye, président ya Rwanda, président ya Uganda, président ya Burundi, pour na makambo ya à réconcilier Bango. Parce que entre le Rwanda et le Burundi, il y a un problème. Et entre le Rwanda et l'Ouganda, il y a un problème. Alors, Botalandenge Bazalaka, Félix se croit intelligent de réunir à Sangissa, président de Rwanda na Burundi, président de Rwanda na Uganda, à réconcilier Bango. Et pourtant, le président de Burundi a prêté serment. Il a été clair. Alors, la relation ya Burundi na Rwanda et qui jamais, jamais qu'on s'améliorer si koyo avant que Rwanda aza la sincère na makambazo sala na Burundi. Alors, entre le Rwanda et l'Ouganda, c'est la même chose. Félix na kati ya mboka na ye moko a koki ko se réconcilier te na résultat ya ba élection. Na kati ya mboka na ye moko. I depes na ye na batu na ye bako yuko se reconcilier te. Na batu ya FCC. Félix ye moko. Na mboka na ye. Ako yuko se reconcilier te. Na la diaspora congolaise na peuple congolais. Voilà. Il saute. Atiki mboka na ye na ba problème. A yebi trebe ke ye moko azali problème. Ya makambweza na mboka na ye. Atiki yango akeyi. A benga président Rwanda, Burundi, na Uganda, pour que a réconcilié bango na Goma. Tambour. Tapant. Alors, tu veux comme on a ministre des Affaires étrangères, na vidéo à lobby, oui, à 100% confirmé, présence ya Museveni na Goma, présence ya Kagame na Goma, na présence ya président Burundi na Goma. Et Leki yungu aussi na tamba yoki ndengo na ministre des affaires étrangères à lobby mbalamoka weli kuta na avance asi akoma ki deja na Goma Bon, c'était ayokaki kekuna na Goma akeye kozala makasi et moi kolamba pe ekozala baponaki ba mama o mama mwanza d'ailleurs précédaki ye bakolamba alors il fallait y akoma déjà avant. Il arrive à Goma, le président burundais dit Nakoyate. Et son maître, le Rwandais Paul Kagame, lui dit Nakoyate. Et Kaguta Museveni, ya Uganda, a l'obipe Nakoyato. Voilà. Notre Kiyungu national se retrouve na Goma Yemoko. Au même moment, notre national azoze la président rwandais na tarmac ya aéroport ya Goma. Président rwandais na président ougandais. La télévision ougandaise annonce l'atterrissage na aéroport ya Tanzanie ya président ougandais. Quelle offense! La chef de l'État, quelle honte! Le président congolais a osé la bango na aéroport ya Goma. Télévision ougandaise ils ont annoncé l'arrivée du président ougandais na aéroport ya Tanzanie. Alors, comme vous le savez, notre national yé Sony Bavu, voyez bigatis, origine, voyez origine. Sony Zalakati, Mbango accueilli Tanzanie. Akoma na Tanzanie, kuna président Tanzanie a pesiye gifle ya mokolo. Vous avez suivi l'intervention ya président tanzanien pour na ko souhaiter ye bienvenue, mais na diplomatie, ça signifie tout. Le président tanzanien a lobini. Le président tanzanien a ebisi Félix, bienvenue na Tanzanie. Nazomo na yo depuis yo komi président, il faut qu'on soit honnête, na translate ndenge zali. Nazomo na yo depuis yo komi président, ozotambola mingi, ba voyage mingi. Ça signifie que ozosepela mingi na ba voyage wana. Na moni yo outi Burkina Faso, okiti na Kinshasa. Mbala moko oye na Tanzanie. Na moni yo ozo sepela na ba voyage wana. En tout cas, il semblerait que batu batanga mingi bazakuna, ba diplomate pe bazali. Ça signifie tout. Donc, na président tanzanien ayebi ke nous avons un Matamata Airways. Ba voyage inutile. Ayok anniversaire ezali na Guinée, azui avion akei, akolia. Ayok a mwana président à Burkina Faso, akuli, azui avion akei. Ayok a une journaliste à Bali, mbangu ye wana akei. Vraiment, un président qui ne pense pas, qu'est-ce qui se passe? Il y a des invitations. Oh yo, il faut pas nakende. Je vais me faire représenter. Un président où il y a habité, que il y a des histoires, moyen présence nangai et à la place où on a exacté. Il faut na me représenter. Anniversaire. Un président, présence na yo et au moment où président a zoke na ba fête y anniversaire ou bien na fête y a mariage, kaka place a vandi na Kinshasa la capitale, ba violé, ba infirmière, ba violé, ba malade na hôpital, kaka na Kinshasa. Na poko anango président a zui jeep blindé na ye. Accueilli na fête ya mariage. Le même jour, 58 Congolais assassinés, massacrés dans l'Est. A eu information, 4 heures après, président qui a fait un mariage. Mon côté, ni pour la infirmière au Bazara qui violait, ba malade au Bazara qui violait na Kinshasa. Mon côté pour la 58 massacrés na Est Yambo Kanabiso. Alors, Natango Tolobara que on ne place pas des idiots na tête y a pays. Tout ça la ka blague ti. Et na mboka na lobaka yango toujours que Congolais il faut sala musala o esengeli na ye citoyen d'un pays il faut sala musala o ekokani na ba capacité na ye. Moto moko a prouvé ngai awa que du point de vue intellectuel, Félix Aza capable d'être président de la République. Du point de vue expérience professionnelle, Félix Aza capable d'être président de la République. Du point de vue expertise, Félix Aza capable d'être président de la République. Et pourquoi pas du point de vue élégance, Félix Aza capable d'être président de la République. Parce que na leadership, la façon, morphologie na yopé, ça compte. Morphologie na yo ça compte. Bandeko ba pasteur soki bazali bo meka ko corriger ngai. Bible lobi e bosono bandeko na biso oyo bazali na ba défaut physique. Ba koki kote ya te. Na ebite pourquoi peut-être parce que défaut na bango naturel ou bien défaut na bango provoqué et que qui causa la objet ya moquerie na tango azoteya. Alors Bible lobi et bosono a koki kote ya te ngate mna lobi ba pasteur corrigez-moi et bosono a koki kote ya te Bible mte lobi ba pasteur manifestez-vous. Alors, Bishope Toroyu Kolobato tient la Constitution, un Mongol a koyi koza la président de la République. Parce que Moutou Moko a ko respecté Yote. Soki na kosiboye bisanga nani azo respecte Félix. To bandana na ndaku na ye moko na famille na ye. Ki respecte Félix. To kende na parti politique na ye. L'UDPS fait le contraire de ce que Félix dit. Tokene na coalition na bango. Est-ce que les FCC respectent Félix? Tokene na population congolaise. Est-ce que ba congolais bazo respecter Félix? Tokene au niveau sous-régional. Est-ce que Kagame, Museveni, na président Burundi bazo respecter Félix? Bondimi tokoya a invité Bino, ye moko pe ake déjà na Goma kozela Bino. Moutou moko a yete, même émissaire moko a yete. Est-ce que, na niveau sous-régional, bazo respecte Félix? Tokele, na niveau ya monde, boyoki, ba Allemand, ba Israël, ba bengye un escroc, un aventurier, a bomba mina sima ya kombo, ou ba bengye Tshisekedi. Ce qui n'a possible de montrer que ma camnalobie est allée vraie. Bola kisanga ke na FCC bazo respecter Félix. Bola kisanga ke na IDPS bazo respecter Félix. Bola kisanga ke na niveau sous-région ba congolais bazo respecter Félix. Bola kisanga ke na niveau sous-régional ba président ya sous-région bazo respecter Félix. Bola kisanga ke na niveau monde bazo respecter Félix. Il y a que l'argent congolais qui respecte Félix. Parce que Félix serait fongoli ba compte à l'état lobi na mbongo il loi pas. Ah, qu'est-ce que je dis moi, pardon. C'est les Coréens, ça. Je croyais que tu l'oubas. Ce qui est à l'objet, Félix a l'objet, l'ouakou. Falanga l'ouakou. Il y a que l'argent qui respecte Félix. Et quelques mille vores. Toloba Kanabino, qui est Kabila, en réalité, prépare Kozonga naye. Batwebele inconscient bazo kanisa ke toya kwa sala ba aventure. Alors, batwebele bazo kanisa ke toya kwa sala ba aventure. Bomoni komese Kabila azo avancer lentement, lentement. Ah, ndeko mwa ba kote ebele ba milouvor. Technique, il y a moyen de me bloquer, batonga la technique bazate, il y a moyen de me bloquer côté comment. Balobi naza touti. Balobi naza touti. Voilà. Donc, Kazadi, il faut tenter d'abord de bloquer ce monsieur Kazadi. Bon, boyebi déjà comme Olivier Kazadi. Kazadi, boyebi. Hein? Milouvor, donc même famille. Alors, Kabila avance lentement. Boyoki Batunaye, Balobi, Balinko introduire une loi pour que l'élection est à la méthode moko indirecte, c'est-à-dire le Parlement ou le Sénat va voter président de la République. Dans le bas qui na vidéo moko eleki que Kabila a ebi ke aventure ou a sali pour na ko placer Félix na moto ya mboka na biso ba congolais bazali na kanda ya kosakana te. Alors, comme ba congolais bazana kanda ya kosakana te, ko kende na élection directe ba congolais ba koyiko bo mamutu na mabanga pour na propagande. Alors Kabila veut imposer élection directe. Alors, loi wana ezali na préparatif ba kokot sango et aujourd'hui boum. Vous avez vu l'homme venir d'ailleurs. Joseph Kabila na Sénat. Akei na Sénat déjà pour a préparer ba sénateur que loi wana ya élection indirecte zoya. Ye moko déjà signalé présence na ye n'hémicycle. Et bolobi boza ba légaliste. Ce qui va voter ye azongi na pouvoir bo condamné nani. Voyez-vous comment est-ce que Félix a mis notre pays na merde? Voyez-vous que na katia di loana, même si ba pesio yango te otala yango, na katia di loana, Kabila a pesa Félix juste le finance. Et Félix azo yiba azo talate. Le mois de juillet, budget à présidence annuel, Banque centrale, balakisa ki biso ba document, ezalaki ya 17 millions de dollars. Et au mois de juillet seulement, 17 millions de dollars pour une année. Mais Félix a bousillé 16 millions de dollars dans moi moko. Alors, mbongo eza sauté, il faut qu'on recourir na ba réserve. Bato Félix balobi non ba dépense et l'équipe mingi na présidence, il faut budget wana et mata. Ba kei na ba réserve 53 millions de dollars. Non, 55 millions de dollars. Ba retiré na réserve, ba affecté à la présidence. Ba compléter année quand même. Voilà kokota mbongo wana ezokota. Ba lobi ba compléter année. Parce que ba dépense l'équipe mingi. 55 millions de dollars vers fin mois de juillet, na fin ya mois d'août, oui, où tu connais ça, Félix a bousillé 53 millions. Donc, moi, ndambo ya 2 millions et tikalikuna, nandenge tozolo baboye, il faut la paix déjà ici qui. Alors, botala bakombo, Kalonji, Kazadi, Kabwabwa, Kabeya. Bozomona batu bazoya na ba live na biso. Alors, bandeko oyo bazali koloba ke non, bozali ba jalo, ba ene, ba treba. Botala batu oyo bazoya pona ko supporter Félix. Kazadi, Kabwabwa, Kabwelu, Chibwabwa. Botala na ba comment na ba commentaire ya YouTube Kalombo pe azali donc batu ya bakombo moko tete mon ami Masumbuko toko bloquer bangote bazala wana ba mona comment est-ce que bazali ba idiot et par la suite ba okende bango moko. Donc, bazo reflété juste Félix Yemoko parce que argument isate, bazan argument moko bako yanangote, ils ne peuvent pas nous contredire par les arguments. Alors, argument la bango ezalini, ozo kosa, fake news, oza prof alokuta, ozali moko alobinanga, oza tuti. Voilà, Kassongo Azali. Hein? Donc, Sobotali Bakomboana, ce sont des millevores. Ce sont des millevores. Donc, Batu Oyo, le temps Oyo Baninga Babande Koke na classe, Bango Bazo ke Timula Djama. Alors, Mikolope Djama Nambunjimaya, Ezomona na Susuto. Alors, Baosala Ndengeni. Félix Azui Bango Nyo Sayena Bango na Kinshasa. Alors, à Kinshasa, siko, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, on sent les athées. Mais tout, il n'y a rien. Ils n'ont pas d'argument pour nous contredire. Biso. Ce qui va aller m'envoyer à maman Mwanza, mais tout est bougé. Voilà ce qu'ils font. Voilà. Donc, Kabila, on a Sénat, ils allaient déjà flash pour comprendre ce qui va se passer. Et je pressens que Nabadil Nabango, Félix ne va plus se représenter Naba élection à Gozalati. Donc, Basala qui formule, il y a Poutine, na Russie. Ce que Félix a s'entêté à se représenter à Kokoufa. À Kokoufa. Donc, il faut que mon excusez-moi nazomona ya une guerre na YouTube entre ba milouvor na ba tourabiso laissez-les ba ko yebisa bino des histoires là ba ko ba n'importe quoi juste mais ba tu ya boy il faut quand même qu'on prouve avant le contraire peut-être bozomona simana biso. na yebite si Etienne Tshisekedi a déjà écrit ndenge biso tokoma na yebite soki Félix asi aleka esika bakomaka ndenge biso tokoma et par la suite pièce contre pièce était malobaki pièce contre pièce wapi bamilovor regardez bomoni cher milovor bomoni sini wana bozoya tulakisa bino tobomba nimero botala foto wana ya nani botala kombo bomoni foto wana ya New Yorker oni New Yorker botala mosusu bomoni botala bien Nations Unies n'est-ce pas bomoni tokitisa kuna mosusu donc ba biro nyonso ya uni tuzali et quand vous voyez donc ya uni New York uni Genève uni Kenya yango wana Milivor, Bolobinin. Avant de continuer, Bolobinin. Bolobinin. Pièce contre pièce. Oh, Moussa a commis. Moussa le Benini. Ah, alors, Botuna liaison service, ça signifie quoi? Bon, voilà. Donc. Monsieur Kabila na Sénat, Kabila se prépare pour na retour na ye. Alors, bantu oyo bazali ko soutenir Félix au lieu de travailler, bango bazolo kwa ko s'attaquer na bato oyo bazo critiquer Félix. Mais le vrai ennemi de Félix ezali bato, ezali Kabila. Ezali FCC et Ezali Batou, Ezali IDEPES. Ba vrai ennemi. Ba vrai ennemi ya Félix, Ezali Bisoté. Ezali Kabila na FCC na ye. Ezali IDEPES. Ezali un groupe de Milvor. Bango ba vrai ennemi na ye. Parce que la bêtise y a Félix, idiotie y a Félix, l'équiungisme, hein, ça vient de Kiyungu, l'équiungisme y a Félix, au lieu basali ça y est pour que Ameka, kosalata moi et lokomoko ya malam. Bango bazo kosa ye ke ozali beton. Bango bazo kosa ye ke ozali maboko pembe. Bango bazo kosa ye ke tolingi yo. Nzokande ba Kongole balingi Félix te. Ba moni penza ke azali vraiment kiyungu. Kabila yake na pouvoir azalaki kiyungu. Mais ba Théophile Bemba, parce que le premier professeur de Joseph Kabila était Théophile Bemba. Le premier professeur Oyo a pesi Kabila ba ide atanga tamuke. Oui. Kabila était un autodidacte. A sali autodidacte na biro na ye. Alors, bande konabiso au lieu bo sali sa Félix Atangata moi arithmétique ya mouke école primaire. Atangata moi logique mouke ya école secondaire. Non, bango batiki ye kaka tambulaka na ba fete akendaka na ba fete ya ba mariage ba fete ya ba anniversaire aliaka e akomaka bozomonaki ezo ekiti oyo ekiti tina se na mapeka image trop azo kontrole kolia te image trop aliki koyoka feti te olie pe azwa coach sportif mutu mususu po mutu wana koya peut-être po asala musala azwi coach leki na ye moko alors leki ne qu'est-ce qu'il fait son petit frère il fait que dormir na présidence kuna banda anomal leki na ye coach sportif ata séance moko ya sport basala te ata sport jour moko séance moko basala te mais son petit frère touche $17,000 par mois. Donc, opposition, oyo bazali koloba ke bazoze la élection apaisée na 2023, élection transparente na 2023, na yebite soki bazali ko rêver ou bien bazali ba accompagnateur ya Félix na Kabila. Alors, la situation d'Engezali, ce qui bokei d'une façon légale, Kabila Azali majoritaire na parlement. Donc, loi nyon so Kabila ko proposé na parlement et ko leka, parce que Bazali majoritaire. Bon, bibi non Bazali bat l'état de droit. Bazali majoritaire, ce qui loi eleki, eleki, et ko leka. Alors, ce qui loi eleki que Parlement congolais balobi élection est la indirecte. Si ko bino boya ko contredire ngo ndenge nini. Parce que balobi boza ba état de droit. Droit ya ngwa beko parlement. Alors. Bozomona ke le départ a été déjà faussé. Et ce qui reste pour les Congolais, c'est l'article 64, il y a constitution, c'est tout. Parce que Kabila, na loi na ye, a kole ki sa yango e kole ka. Bazali majoritaire. Na zo mona te mécanisme nini, oyo, boko ya soit binon de soi-disant opposants, soit ba milouvor. Mécanisme nini boko ya nango na parlement, pour empêcher loi wana e lekati. Ba wewa. Alors, donc, bozomona ke ezali li babe moko na ndenga osakanate pona Félix na famille na ye mobimba. Ba génération nyoso, parce que c'est une histoire oyo ba future génération na biso bako yoka yango ke à un moment de notre histoire, de l'histoire politique de notre pays, on a connu un accident politique où on a eu un président nommé par un étranger, un président Kiyungu nommé par un étranger qui ne faisait que manger à la présidence, qui ne faisait que détourner le trésor public Nabiso. Rien d'autre. Et qui yungwana memaki biso na situation moko terrible. Bana na biso bakoye ba histoire. Bana na biso bakoye ba histoire. C'est vraiment incroyable na monde. Je vous ai dit la fois passée que nazana ba étudiant moko que j'ai orientation ka na meka ko tester bango moke ba na ya première na ici bango ba sa langa page moko ou bien demi page biographie ya ba président ya Afrique, un groupe ya Afrique, ba président un groupe ya Europe, un groupe ya Amérique latine na Amérique du Nord, un groupe ya ba président ya Océanie, un groupe ba président ya Asie. Donc, ma groupe wana baye langai. Ma biographie ya ba président. Alors, ma koiko kende peut-être na ba previous, ba président précédent, moko. Un président précédent et le président actuel. Mais c'est qu'on m'a donné na zana ba papia wa parce que ba kombo ya. J'avais étudié les alliés en bas numéro, n'a pas eu coach en live, boité. Mais je vous assure que il n'y a que deux présidents dans le monde aux biographies na Bango et Suki et Bandi na place à Botama. Année à Botama, papa na yé, et puis a commis président. C'est fini. Paragraphe Moko. Lieu de naissance, le parent, et puis, et sauter Vimobimba, président. Kaka deux présidents dans le lobby. Joseph Kabila, et puis, Félix Tshilombo Tshisekedi. Deux présidents dans le monde. Au biographie, na bango ezali kaka deux paragraphes, place à Botama, Nandenga komi, à président de la République. Rien d'autre. Mais si on a dit le président Moussou sous place à Botama, à Tanga Boye, à Tanga Sika Boye, à Salamoussala Boye, à Zalaki Boye, à Zalaki Boye, ti élection, bah y'a qu'on vote. Mais le deux présidents, y'a Congo, Oyo, y'a Souka, Oyo, Bangomi Bale, Joseph Kabila, Félix Tshilombo, deux paragraphes. Félix à Botama na Kinshasa, moi na Etienne Tshisekedi wa Mulumba, na Marta, et puis, en 2018, président de la République. Étude et sika salate. Donc, CV zéro. CV zéro. Pour na, Joseph Kabila, la même chose. A Botama soki na Ewabora, année de naissance, moi na Laura Désiré Kabila entre guillemets, mais na Google balobi, moi na Laura Désiré Kabila. Donc na zolo ba makambo Google balobi. Moi na Laura Désiré Kabila et puis président de la République démocratique du Congo. Et sili, na ne tombe la musapi na binyo nyoso ba milouvor, oyo bozwa mbruye awa. Na na tombe la musapi ke oui, non. Google a kosi. Nana tombe mo sapi Google a kosi. Boko bomanga pamba. Ngaite. Ngate mutu na pekisa ki ya kende klasi te. E pourtant azanga ki mbongo te. Azanga ki famia malamu te. Azanga ki na famia malamu. Mbongo shafa kolia ofele. Kolala ofele. Ndako ofele. Ndako wana daboro. Etienne Tshisekedi azalaka. Asomba et pas un an et combien. On va revenir sur cette question-là. Ndako Etienne Tshisekedi wa Mulumba ou Avandi, qui a yé koukoufa. Asomba qui est pas, parce que cette maison était une maison de l'État. Ndako à l'État. Etienne Tshisekedi Asomba qui a yé et pas un an et na combien. Asomba ki epa ya nani e na combien? Donc, préparons-nous, chers amis. Bon, on est déjà décor, déjà ndenge bandi ko pesama. Kabila va revenir. Ezali situation où ezali créée par l'idiotie de Félix. Qui a accepté un deal diabolique, où est-ce que Congo n'a pas une impossibilité juridique, et que pays n'a pas une impossibilité politique, et l'autre est égal kaka, opportunité souveraine. Opportunité souveraine, ça signifie le peuple souverain a tellement à l'oba non n'a pas aventure. Na ba aventurier oyo bango mibale. Bango mibale kakate. Le deux aventuriers, na baninga na bango ba aventurier mususu o ba mibenga ka ba opposant politique. Unique solution kaka yango wana mususu ezate. Solution mususu ezate kaka yango wana. Soki bo konté na ba na ba, ba, ba, ba na parlement na bino bomoni déjà ndenge zo salema. D'abord Kabila ye kokota na bureau à Sénat. Règlement d'ordre intérieur à Sénat, na mona ngona onte, ça dit quoi? Parce que en réalité, dans toute organisation, fonctionne yon soit en réalité règlement d'ordre des Alaka. Oyo présence, par exemple, même les étudiants, vous manquez na cours trois fois, en tout cas, aux ans à F. Alors, règlement d'ordre intérieur, y a Sénat et Lobinini. Pour naba sénateur oyo banda akoma sénateur atikala ko la ki sa présence na ye physique ti qu'est-ce que Kabila a introduit na sénat certificat ya malade certificat ya désordre mental yango ayaka te abisi ba sénateur ke non mutu eningani soya ye na sénat eza dangereux pour naba sénateur qu'est-ce qu'il a présenté pour nous justifier l'absence de la Sénat. Alors, les lois de la Sénat, comment? Parce que l'absence, il y a presque deux ans, ils allaient constituer révocation. Qu'est-ce que ça dit? Aidez-nous, Bandeko Oyo, Batanga, règlement d'ordre de la Sénat. Et d'ailleurs, moi, plutôt condamné, Félix. Azala ki député. Député nommé. Oyo atikala ko kotata mokolo moko te na parlement. Mais abandaye ko zwa salaire chaque mois. Abandaye ko zwa salaire chaque mois. Tout mouna ki bande ko na ye moussousou ba fayoulou. Azwi salaire, azwi ba salaire ya parlement. Abandaye ko na parlement te. Azwi mbongo azongi si. Tout mouna ba video. Fayoulou a remis l'argent ya salaire azwaka. Mais Félix a tchambo mwa na wapi. Boudia dia, ye mbongo na yebite. Donc Félix nengaza anou ke na coin ya présidence. Ozui kaka billet ya $100. Billet ya $100 ozui. O kangi na singa. O tche loko la ndobo. Pemen ya présidence. O kiti sika abo yiso. Ningo kanga Félix. Bwaka kaka billet ya $100. Félix na cortège na yeso amoni yango ako yebisa batu. Bo telema ako kita kwenye golo kotango. Mbongo na parlement atika ko chejete. Yozo chejete. Koza mbongo te. Mais tout ce temps, il a reçu ce salaire. Donc, kimuyibi ya mutu e banda kala. Kimuyibi e banda kala. Alors, Kabila, ce qui a chejete. Zali, donc, association, yabaya. Il y a un criminel. Excusez-moi. Alors, avant de kende malembe tout ce qui est dans le bailo, on a vidéo et l'équipe. Les autres ont reçu un message. Il y a battu, il y a bakonzi, il y a immigration, il y a Mboka Corée. Pona ndeko na biso tatu oyo akosa kingai ke azali angolé na salisa ye azali angolé na salisa ye e nzoka nde azalaki angolé te azalaki kongolé e azalaki pe milvor oyo ndako na ye to salisi ye pour que bakangaki ye na aéroport na mwasi na bana bomonaki na chaki ba photo kolela na salisa ye po bazongisa ye na Angola te bomonaki ba photo na nga na telephone nga na ye ba audio makambo nyonso ezali tomeki kolite pour que babimisa ye ba bengana ye te ba refoule ye te ba pesi ye mukanda akei azwi ndako ya kofutela musala kutu asali na musala malunga te. Oyebika ke makila ezoganga ndako na ye ekomi base ya bandeko na biso baluba o bavandi na mboka Corée du Sud basalaka réunion contre monsieur Yombi mutu oyo na sali chi na aéroport bomonaki ezalaki ya kobomba te akosali saki ya mokoloni te bomonaki na batelevizio na biso ya diaspora nalekaki bandeko ya diaspora mpe balobelaki yango nalobaki yango ndeko na biso fambi okoswanika alobelaki likambo ya ndeko wana kutu wana nayebaki eloko te avoka na ye na bato mosusu bakontakte ngai nasalisa ye ye moko abengi ngai tosololi ya mainte reprise ifu nasalisa yo nakosalisa bino papa kotika biso boye te tokokufa so tozongi tala mwasi maladi tala bana papa pardon nzambe akopambola yo so osalisi biso non mama azala calme papa azala calme nakosalisa bino meme si boza bangole boza baafrikain nakosalisa bino toutilize barelation na biso babengani ye te batiki ye bapesi ye mpe mokanda azwi ndaku ekomi place akosala réunion bareunion eza mabe te communauté communauté ya batribu eza mabe te mais soki communauté wana ekomi yo ndaku okomi kosala bareunion ya motu oyo asalisi yo na ntango ozalaki na aéroport kuna moluba moko te ayaki mpo asalisa yo moluba moko te ayaki mpo asalisa yo immigration ya corée barefule yo te moko te ayaki oyo nyonso bagangaka baavoka baluba parsi parla tomonaki ata moko te aya kosalisa yo oyai kobenga ngai nasalisa yo alors immigration apesi biso notification ke azwi document na biso oyo tolobaki ke tozalaki endwi en erreur le monsieur et sa famille bakotaki na mboka corée avec le passeport angolais bazali bangolais te bazali bacongolais ils sont venus du Kasai et tozalaki na bobunga nazala ba audio natindaki bato ya immigration bayoka ndenge nasololaki na ye e immigration bai bakonfirme biso ke bazalaki en contact avec l'ambassade ya Angola bazalaki en contact ambassadeur ya Corée du Sud na Angola a vérifier le passeport passeport ezali un vrai faux passeport c'est-à-dire que passeport ezali ya solo passeport ya Angola mais ezali passeport moko ba trafiquer yango et le monsieur groupe ya bato oyo basalaki passeport bazali identifié et d'ailleurs l'Angola ndenge na yoki à travers bato ya immigration ya mboka ya Corée Angola azali ko procéder ya ko refouler ba congolais oyo bazwa ba passeport ya Angola bomoni makamu ndenge yaka parce que bovandaka calme oyebi très bien kozali na mbeba oye na mbeba mais tellement makila na bino etindaka bobosana ke ozali mutu ya mbeba makila na bino etindaka ke bobosana ke ozali mutu ya mbeba c'est pareil avec Félix bandeko nyonso bazokomisa Félix bayebi ke Félix aza na mbeba Félix aza mayele te Félix aza na experience te Félix akoki kosala rien Félix bakanga ye minyorolo epa kabila akosala eloko moko te mais tellement makila ebosanaka biloko nyonso voilà babêtise bazwa ya kotya boloba makambo boye bango baye boloba vérité bango baye donc ndeko wana sikoyo na butu azoyekanisa na toilette makanisa ezoyela ye ke aza mutu asala mbeba na toilette awi nakopesa bino rapport nini oya nakopesa bino rapport il tente ya kokontakte bato baavoka baavoka bakosala nini d'abord un avoka na ye je dit na avoka faites attention parce que ozoriske mosala na yo na baro ya baavoka ya séoul basuspendre yango parce que ngai na informe yo ke ndeko oyo azali angolais te azali congolais il a utilisé le passeport angolais on va voir donc oyekoya on regrette mais bandeko na biso balingi bamemiso ndengo alors nalobaki na video wana mpe ke na en tout cas badeception eleki makasi tosalisaka ngai mpe bato basalisa ngai mais bato oyo basalisa ngai bacongolais te ngai ndenge natamboli surtout na mboka ya corée bacoréen baede ngai bacoréen même si ezalaki pasi na niveau international en réalité ngai eza bacoréen bato baede nga te bato mingi bato onja kore ba edeye ba non ba onja kore ba edenga te na niveau international mais na niveau local oui na niveau local ba edé parce qu'ils ont trouvé à moi quelqu'un d'intéressant quelqu'un d'important ba s'approcha ki nangai nous avons travaillé ensemble alors mais à niveau international, j'ai été moi-même. Parce que à niveau national, j'ai connu, je travaille. Mais bandeko oyo, bandeko ba coréen, ce qui est à niveau international, je suis en parce que j'ai été moko na train de me faire marabisoter. Je suis et j'ai contacté organisme moko. Et puis, bon voilà, première sortie, j'ai été na Bangkok. Na Thaïlande, bango kutu bandeko ya Kore, bazala ki surpris ba mona nga kuna na réunion wana. Ba yeba iteke na woyat, ba yeba iteke na zana list. E ba tchèk na list na dernière minute. Na katya sal ba mona ka nga na komi. Alors, prise de parole na zwa parole. Ndenge bandeko na biso ba ngala balobaka na panza ki mpoke. Alors, tout le monde s'est intéressé à moi. Er na sirisi ko loba, tout le monde derrière moi. Osa na carte de business, osa na carte de visite, osa na carte de visite, ba contact. Pourquoi yakate? On demande la délégation à Corée, mais pourquoi yakate? Alors, moi, je peux trahir, ba moi, exacte, bon, na zala ki occupé. Et voilà comment est-ce que je suis parti. Na niveau yaoni, parce que na yebi sabino, il y a des gens, peut-être ba blaga. Na niveau yaoni, l'invitation que j'ai eu, première voyage nanga. Na États-Unis. Na kenda ambassade États-Unis na Corée. Erwa na kala pona senga visa. Na koma kuna interview. Le monsieur officier ambassade États-Unis ba dosa sanga interview a kamwe na ba réponse na ngai. A yisi na qu'est-ce que tu fais? Na yisi à cette époque là na zalaki administrateur ya hôpital. Ah bon? Et abandi ko tuna nga makambo ebele au lieu la interview ya visa et komi makambo susu. Il me dit, bon, Bima Boye, kende na porte mon okuna, na zoya kuna, okota. Abimi singa na sali interview, a meminga na porte mon sous na koti, il me a présenté ngai officier na bango, ou aso ki paga na makambu ya humanitaire. A ebi si, mais le monsieur est intéressant, a ego senga visa, na zo pesa yango, mais. Makambo mususu na découvrir pas na ye, c'est important to coopérer na ye. Voilà comment est-ce que na ke interview mususu. Na zui visa langa, na ke États-Unis na zongi, to bani ko coopérer na ambassade États-Unis na cadre humanitaire, ko pesa ba information sur ba migrant, ba migrant travailleur. Et par la suite, ba yeko tinde langa, adresse moko ke, le chargé à humanitaire na ya États-Unis na mission permanente ya États-Unis na New York ya Genève azana besoin na yobo solola na téléphone pesa numéro na pesi akobengo tel jour na tel heure la femme m'appelle to sololi a dit bon yaka na réunion ya oni datel na kei to kutani a singa bon aux an organisation oui na sa organisation oyo bon voilà ce que nous allons faire voilà comment est-ce que moi je suis parti et cet américain là jusqu'à présent à longwa na mission permanente ya États-Unis na oni à Genève a commencé au département d'état a zonga na États-Unis na département d'état jusqu'à présent nous en aille ezala la connexion na ngai sur oni na New York ezala na Genève. Et ça a été Nobatoubouté, c'est cette femme. Et les détails n'ont pas été sangotés. Donc, dans le pays qui est ma déception, il est qui mingi, na sali sa kabatou mingi. Ma pays est belé, ou yo kabatou baza fièvre na yomè, na bande konabiso a Congolais na za vraiment na chance wanate. Bota la kaba ka o na lobaki, et ça a émission pour na ka wanate ma. Na lobai ke ba dossier nyonso nazalaki nango soki nazalaki na dossier na yo en tout cas je suis désolé na kosa elango so te na lobaki yango déjà parce que na moni ya des gens qui m'envoient des messages sur ba dossier na ba na lobaki yango déjà en tout cas je regrette heureusement pe ezalaki d'une façon volontaire on a même manifesté que n'a pas aidé dans mon équipe déception et l'équipe m'a avec des Congolais n'a pas aidé sous ce Congolais moutou moussou sambo comme sous mais en tout cas Congolais n'a pas eu vraiment déception et l'équipe m'a cassé et belé et belé si tout bande qu'on a biso bande qu'on a biso ya Balouba, Nazalaka, ma chance, na bangote. Tout le monde que j'ai aidé, tout le monde que j'ai aidé, le pays, Bandekonabiso, Balouba, oh, na yebi, tout le monde que j'ai aidé, déception toujours. Alors, Eza Mawa, au Kataboué, aide, na lingaye, ko proposé, na bandeko, msousou, ba msousou, tokoma ki, na komi na niveau, mouwa avancé. Et na banda qui déjà recontacté ma place na ngai ko aider ba ngona ba en tout cas tout na tiki loko yo vi makamususu en tout cas bossa la mosuti je regrette donc c'est ça merci merci mingi na ndenge bolandi biso lelo soki bomoni na YouTube na senga kalikambo chaque fois to sa la contrat mosusu ya aide hein? Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Na avez na YouTube, une affaire il y a 1200, 1300. Mais si vous avez 1200, 300, vous avez abonné à la chaîne. Vous avez peut-être 500, 600. Alors, bande comme ça, pourquoi vous abonnez? Abonnez-vous. Et ça, il y a une capacité. Cliquez sur l'abonnement. Cliquez, c'est tout. To bandi siko contrat sika la aide nga siko muna bandi après bino boya mais soki boye makamba immigration te pardon makamba mususu et na moni pende ko moko akomelinga ye albi papa na yoka ke yo sai sa batu mingi nga pe awana zala problem tindela nga 200 euros nde kwa la van na France ah mama ataku tu Bill Gates ango basai sa boyete. Ezala aboyete. Même yo moko pe, mwa ndambo za nangona, oye daga boye. Donc, vandu la mwenye kaka probleme ezate ka, no? Tinde langa 200 euro. Kongole, e asili ki pe. Lata ona repondre ke, pardon, za nangote. So, yon azu ya ngona o tinde la, asili ki. Oza la nangote ende genini, yo oza nga 200 euro. Na za nangome, ezala ki na program na, ezala program na yote. Ils ont le programme mususu. Ce qui n'a zui ya mama, ce qui n'a zui na ko aider yo. Et il faut raison ya ko aider ça là, c'est pas comme ça. Hein? C'est pas comme ça. Mkomso na mona nde ko mo miluvor pe na ko reka we. Ah papa vraiment dit na za problème moko très urgent na bungisi carte. Ah obungisi carte à banque pe yangote. So bungisi carte kota na banque na ba solo mususu na ko re ou me la te ka 5 minutes. O pesika a identité na yo bazui ba vérifier oui oza na compte bazui carte mso ba pesi yo ah one exam li solo mulai na za presser na za na besoin kaka ya lokola $100 boy bon ça va zoa na ke réunion na bimare na le ka nzela na kutana na congolais mususu ndenge ni na bien ah peto uti na biso na baro na mutu wana yego se nga sa hero c'est-à-dire que l'argent qu'il a demandé ezala ki juste a tiki baninga na ye na bar. Azui a quel côté na bar? Azala qui na problème souté. Donc, bo limbisa biso na esika wana, nous avons cessé ya ko aider. Peut-être soit toko bande la, mais en tout cas sikote. Sikote, il faut ba play ya ba déception ya bandeko. Et si là, non, soit ici, en tout cas, tout aux ongles là. Alors, réunion, il y a Goma et Salamakité. Félix, au lieu à ça, la réunion, c'est quoi, sous-régionale, et comment qui réunion à Bakwanga. Donc, il y a Moko Félix, na ministre des Affaires étrangères, na ba Milouvor, na ye, au Balanalandaraye, bango Moko Basala qui est réunion à Bakwanga, Goma, Kagame n'est pas venu, Museveni n'est pas venu, le président burundais n'est pas venu. Bande kona biso bazali toujours bomabango batieri ezali ko continuer toujours na Beni ça continue bande kona biso bazali ko kufa toujours et merci na Nations Unies pour naka oyo ya notre frère Denis Mukwege bazali ko proposer batindela ye bagarde rapprochée. Et vous avez remarqué que l'ONU, la représentante ya Nations Unies na Congo, est partie copier sa message ya ONU, proposition à ONU, va se préparer pour que Monique ait le Mona Congo. Alors, vous avez remarqué, au lieu d'aller rendre, donner cette information à celui que vous appelez président de la République, mais elle est partie donner information à Joseph Kabila. Donc, vous avez compris que c'est Joseph Kabila qui dirige ce pays. ONU a-t-il des messages pour que MONUSCO a se préparé pour que Barre Longwa Congo graduellement. Représentante ya ONU, au lieu kende, na moto wa bengi président, ye a keyi na sénateur. Ake koyebi sa sénateur. Que ONU va décider que Monique a se préparé, to Longwa Mokem, que ça sera ma discussion entre ONU na Congo. Donc, ONU et Kabila, graduellement, MONUSCO, Barre Longwa na Congo, Ndengenini. Alors, et j'ai parlé des problèmes il y a Kabila Yemoko na Sénat, vous avez remarqué, Moto Oyo Ayakaba session pendant au moins 2 ans, et qui se présente na Sénat, Balane Bakay Yambaye. Présidente du Parlement, Mabunda, Premier ministre. Bakay Koyamba, sénateur. Donc, sénateur peut quitter chez lui, même dans Makolo, à côté, na salle à Sénat, mais Oyo, Premier ministre, na président du Parlement, à qui y a un sénateur. Et sénateur, place Batchelier, rangé Mobimba Kaka Yemoko, na président du Sénat, na président du Sénat, na président de l'Assemblée nationale. Rangé la nyonso sont vides, sénateur. Et vous remarquez que place ba PCI, place à Vanda qui, en réalité, décorons les alliés président de la République. Les alliés président de la République. Alors, Bande Konabiso, vous autres, il y a toujours Milouvor, hein? Pourquoi vous autres, il y a Milouvor, alors, donc, Kabila revient à Zozonga et malheur n'a biso ba Congolais. Alors, tout ça la négénine, parce que bande qu'on a biso, qu'on comprendre les alliés pas si malheur malembe, la tango bozo bisa bango ma kamundenge zo leka, bango pas si bazan ango, pas si bazo sentir ango, pas si bazan akati nango, mais toujours. Soyez Kabila lobby à Nanjili Sainte-Thérèse, pour que la foule abatte au Kenego Yamba Kabila. Soyez Félix à lobby à Goleka place, pour que la foule abatte au Kenego Landaï. Men na maloba, pas si tozo souffrir, mboke baby, ba na classe moyenne, kolia moyenne, kolata moyenne, hôpital moyenne, mais mboke tondi na bomengo. Bomengo na nyonse zo kende wapi. Président Mobimba, oazo bousiller mbongo. Par mois, bah, millions de dollars par mois. Bah, millions de dollars. Mais peuple est naïf. Et là, on est à Zopé Sabon. Aouti Goma. Aouti Goma. Goma Aouti. A-t-il combien de millions qu'on a? Nabana Est. Zéro. Et Tolobeli Pelikambouya, l'institution Première Dame, ou est comme institution, bon, moni, une histoire. Oui, Bombana et Ekobima. Tout le bail qui sont commis homme public, femme publique, privé, ils ont sauté. Ils ont sauté la vie privée. Faites attention. Alors, Nzokande, notre première dame Nyakeru, madame Denise Nyakeru, a zalagana affaire na ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, il y a André Kimbuta Yango. Alors, Ngamna lobby Yangote, Jeune Afrique Mouta lobby Yango. Et Madame Nyakeru a siliki makasi, makamwana to lobaki bo komangote na lobaki kaka boye, mais bino boke komande nini. Et revue à Jeune Afrique wana publication wana, à Limoussango, elle a sorti 1 million de dollars pour qu'on faire effacer la trace sur la jeune africaine. Mais tu as tout le temps déjà. Tu as tout le temps de vérifier que l'information est vraie. Alors, tu peux Bazalaki proche. Bazali proche ya André Kimbuta, balobi ezali vrai, Madame Denise, à un certain moment, Azalaki, na Madame Denise, na Kimbuta, Bazalaki. Bazalaki, collé, collé, serré, serré la petite. Alors, il faut qu'assumer. Ezali vie, Bosalaki, il faut qu'assumer, yango. Et c'est pour cela, vous avez vu d'ailleurs, pourquoi? Vous voyez que moi, c'est André Kimbuta. Moi, c'est André Kimbuta pour ma cambouanda, mais en réalité, ça va côté. Alors, moi, c'est André Kimbuta a confirmé Bilokwana que oui, à un certain moment, son mari sortait avec Madame Denise Nyakeru. Bon, si vous m'avez bisou tout ça, bisou tout yoki tout lobi bandeko bayebaka. Bayeba, botala exemple, oyo, bat o bazoya na moutou en boka na bisou, est-ce que bazali exemple? Pour notre pays, Nabissou. Son mari n'est pas un exemple pour nos enfants. Sa femme aussi n'est pas l'exemple pour nos filles. Aza exemple était, ce qui n'a pas aussi beau tout dans Julien Tchakoudia, dans Londres, Aza famille, il y a Baptiste Sekedi. Il y a Moutaïb Sabissou Vinaye. Beau tout dans Londres, il y a Loba Mingi sur la vie de notre. La femme de notre nationale. Ah oui. Il faut qu'assumer, hein. Et voilà. Alors, si koyo makamde zo kendele, André Kimbuta gozo sort ya Eric Lenge, boye bi l'histoire oyi de pesa bi misela biso ya Olive Lembe na Eric Lenge. Alors, Eric Lenge a li moi Raïs a li Moussaye. Alors, maintenant la question qu'on se pose, est-ce qu'il y a André Kimbuta zo li moi ou bien yo sougandeni? Et au souvenir, alors, vie privée, c'est hein? Baza public. Et ça, vie, il y a Batou, Oyo, Bazo, dirigé Mbo Cannabiso. Il y a comme institution. OK? Donc, voilà. Pona Lelo. Merci Mingi pour la Colanda Bissot. Et puis, oui, Ndegomo Awa pour un dossier à Moutouana, il y a notre Milovor, Outaki Angola. Mais il y a beaucoup de Congolais au Bazana, pas passeport angolais. Naïe bien, moi. Bazé Bélé. Bazé Bélé. Mais na air, ou utiliser Mukanda Bato Kendengwana, mais Zala calme, Zala Kimia. Zala kimia. Bandeko ebele ndenge na lobi yango makila ekosi bango. Neti bandeko oyo na kore makila ekosi bango. Bamoni ke, pourquoi bazo, ko sala reunion eza mabete, mutu ako sala reunion kontre ngai, me sala reunion kontre nga na mabe, peut-être ou na sali yo. Bazo sala reunion parce que je critique Félix. Donc, ndeko oyo na tango azalaki na aéroport, akangami na aéroport na famille na ye. Ye a yebaki te ki aza ndeko ya Félix. A yebaki te ki aza mouluba. Il n'a pas contacté Félix. Il n'a pas contacté les loups Baba Yaku. Il m'a contacté. Alors, tu me contactes? Na salisio, obimi, ozu mukanda, oyo batu ebele basala bambula 20, bazwa mikanda te. Il y a un autre là, Milouvor, Père Zala Akuna. A Oumela, je pense, 30 ans. Yemutazo mene banini yon yon 30 ans, zana mukanda te. A bengi bandeko ne bazala soki na Londres soki na France ayusi bango no yombi aza solar yombi aza solar nani a kanga photo a yombi na bar ou bien ameli masanga le vrai solar c'est lui kombo na ye d'abord congolais nyonso aza na Corée so lobika kombo na ye mwana moto bato nyonso bakoseka il s'est marié à une femme très calme très posée. Débité, rerine, salama. Notre sœur, wana donc, aya okutana na moutou andeng wana. Et batou nyo so bandai ko tuna. Même na ONG, kala on a bandai ko sala. On se demande, mais yo na moutou bo koutana ndenge nini. Bon, c'est une erreur de parcours, Yamutunyo Sesala Mahabongo. Et Batumsu et Salamahabongo. Moi, si Akima divorcé, et la femme maintenant est stable, lui est toujours comme ça, derrière des jupons, Masanga, Komela, bah, rapporte yo kakaso, ah, mout Congolais, wana. Amelasso, Amélie, il fait pipi na bilamba, Alali, le bosso, bar. Alors, bah, pesa yé mukanda humanitaire. Si vous avez un déconné, vous avez un déconné. Alors, ce qui a solo Azali, il a fait 30 ans dans la Corée. Vous avez un déconné, vous avez un déconné. Vous avez un déconné. Vous avez un Oui, mais ça y est, Ayata pour une semaine, Ayako visiter Bino à Londres, ou bien la France, en Europe, Ayako visiter Bino. Azana Mukandato. Mukanda Azanango, juste humanitaire, il n'a pas de passeport. Akoyuko voyager. Il ne peut pas voyager. 30 ans, il est là. Il est chef à Milvor Nyoso, ya Corée. Hein? 30 ans, Azali na mboka Corée. Azali na mokanda malungate. Alors, mais Suri Botali, monsieur Yombi, moi je voyage partout au monde sans visa, à part quelques pays africains. À part quelques pays africains. Le reste du monde, je voyage sans visa. Et bien, pays anglo-africain, le Congo, je ne peux pas aller. Et. Bapimena visa na pays moko mena kenda. Côte d'Ivoire. Na kenda on sega visa à Côte d'Ivoire. Alors, bah, yu sega tika passeport. D'abord, elle na kika abazo sanga o. Yo passeport bleu o zwa bi. Ça, c'est quelle question? Oh non, on demande, mais je sais pas ce que tu es bi. Mais comment? So, bon, moni ki passeport bleu o yo, na koyu go zwa angote. Mais il y a l'ONI qui est là. Bireoni, ils allaient à Bobenga, Boutouna Bango, mais tous les gens ont un passeport bleu. Hein. Alors, bon, tout traité en gros. Nous avons dit, Batou y a ambassade, Wada y a Côte d'Ivoire, Baza, Bazaki, ma camarade, na ambassade y a Congo. Babengi, Bango, ils disent, ah, Boutouna, vous pouvez ça aider, vous pouvez ça aider, vous pouvez ça aider. Tous les groupes avec des Coréens. Mais Babenga groupe Balobi, Bino Nyosuboya, ba visa na Bino Ebimi, mais c'est Yombi a retiré passeport na ye visa isate. Na kela na tuna, pourquoi? Babi, il n'y a pas de raison. La Côte d'Ivoire. Na ebisa, monsieur, wana, dans une semaine, je vais t'appeler à partir à Abidjan. Abi, on va t'arrêter, Kende. Abi, voilà. Bozela. Na longwa, Corée, na Kenda, Paris. La commune à Paris, dans l'ambassade à Côte d'Ivoire, dans 5 visas, va passer. La minute, coûte n'a pas ça qui va 200 euros. La minute, va passer un visa. Dans un avion, dans Paris, dans quitter Abidjan. On a fait 3 jours dans Abidjan. Troisième jour, dans l'aéroport, avant la matin, dans un téléphone, dans l'avion, on tourne tout matin. Dans un téléphone, dans l'ambassade à Côte d'Ivoire, dans Corée. Il dit, monsieur, je t'appelle de l'aéroport d'Abidjan. C'est qui? C'est M. Yombi. Nanya, qui t'a donné le visa? Qui? Et on a quitté la zone, on a déjà l'escalier, les autres, on a vu la côte. Nazongi, Corée. Et elle, Nazongi, na komeli, na ba photo, ndenge na kangaki, na kokodi, partout, ba photo, na kangaki, na tindeni bango. Les seuls pays où il y a la visa. Côte d'Ivoire. Et le reste, on n'a pas besoin de visa, non. On n'a pas besoin de visa. Alors, Moutou, vraiment, c'est un simple monsieur. Nengeba Bozoloba, cuisinier. Même cuisinier, peut cuisinier. N'aimez pas Congolais, ce qui est cuisinier, n'a pas de Ba peso cuisine. Attention, aux amoutou. Ba peso cuisine, on l'a bango. Mais aux amoutou. Donc, voilà, merci beaucoup. Je disais, il y a qu'à s'abonner, bon s'abonner, pardon, bon s'abonner, quoi. Oh! Oh, nous sommes à 1300. Nous sommes à l'abonné. Ma bézate. Ma bézate. Voilà. Merci. To silisi to zo atan peut-être to pe mamuke après na poko to landa bande kona biso mususu de Fabio Koswanika, de Kerin Maizo, de Gino Will, de notre petite sœur la Maserati. Na zo mone soute, qu'est-ce qu'il y a? Se ba milvor ba pe selinga ye bi botute na coin. Na bande ko mususu yo ba zo informer biso. Il faut que tout l'on entre biso, hein? Il faut tout l'on parce que il faut symbiose ça là. On ne peut pas travailler à des ordres. Ma maman a biso na Allemagne, Espérance Motuku, oui. Et Diamant Noir, oui. Et voilà, Bazaï Bélé, Bazaï Bélé. Bazaï Bélé. Donc. Bolan la gabande comme sous-soupé. Et puis, je pense qu'il y aura un moment entre bisoupé, tout au soupé, ça, tout au soupé, ça va point de vie à biso. Tout au temps rappé, la bénédiction, mon sous-sou, tout au kende, par exemple, 3-4, pourquoi pas, par exemple, Kerun Maizo, Fabio Swanika, Yumbi, tout au temps, il y a plateau Moko, par exemple, il y a Kerun, ou bien il y a Fabien, ou bien il y a Gino Will. Et entre biso sukoyo on s'est tout mekiko éclaircir makamuso sont ensemble et vous allez malamu mingi et Shekina Patrick et Fondi oui donc basé bilé voilà merci beaucoup pour nous rendre biso vous abonnez mbangu mbangu ava bolongwa que Dieu vous bénisse ah na bosana ki bosera information est très importante. Bozela. Ah, yo peux cliquer mbangu. Attendez. La fois passée, j'ai parlé à intention. Il faut tout rebâtir pays Nabisso. Il faut tout refonder pays Nabisso. Qu'on refonde, c'est tout fonder pays Nabisso, tout construire pays Nabisso. Et j'avais parlé que bah document nazan en gros, document on a toujours mon andenge ya koukou. Il y a plus de 3000 pages pour Namboka, par exemple, Corée, et puis 2000 et quelques pages pour Namboka, Singapour. Il y avait un volet Bandoki. Nalobaki volet wana batouana, bamonaike, façon na bango culture, tradition na bango ezali importante. Alors il faut batcha volet wana pour que biloko mususu ezali opé batouana basalaka, bakoki ko moderniser yango, bakoki ko développer yango plutôt. Alors na loba ba pasteur mingi ba contacter ngai ba lobi moi na nzamba ko ba bongote je l'avais dit que ba ce que j'ai dit ba pasteur ba comprendre ki ngai te mais na kamwe na moni message moko association ya bandoki ya Kasai ba bi loba ki pona makamba volé ki ndoki pona ko développer mboka bo biso toza na association ya bandoki ya Kasai to link to senga yo lié des rencontres pour to kutana nayo. Oh my goodness. Association Bandoki Kasai ba lingi ba kutana nangai. Ba yim singa na pesa bango R na adresse et sika na lingi ba ya ko komona ngai. Ya ko na belle licence et fait ba bandeko ba pasteur na zongi para bango pardon bo samira pona ngai. C'est vrai je vous dis. Babi toza association Bandoki Kasai. Bandoki mususu te kaya Kasai. Te pardon to bandana na Bandoki ya Equateur, Bandoki Kinshasa, Bandoki ya Bandundu, ya Katanga, ya Kivu, ya Oriental, te ya Kasai sima bino après. Pardon. Basenge place ya rencontre. Alors, ngai nazana mwanda kwa muke. Chambre salon ndako nanga chambre salon espace ça alors ndeko nini asa amina nga awa après ça c'est espace pour rencontrer ya Bandoki ya Congo tokutana bakimba kutana nanga yi ndako anani eza munene quoi en tout cas congolais bon voilà eza ko sekate c'est vrai hein? C'est vrai et na message wala na mon natanga mbara moko na Naïfasango, pardon, nanina pas problème ti. Attendez, nalobaki sikoyote. Ce qui pouvoir est que na moto aza mayele. Ce qui pouvoir est que na mwana mboka aza patriote. Voilà, comme ça, et toko meka ko construire mboka na biso, toko sa la section bandoki, comme ça, bino bokoya. Nalobaki te ki, bon mona ngay sikoyo. Oh non, pour na préparatif, kasi ya makambango, pe sa adresse. Paye sa adresse. Tu as au moins la hauteur, pardon. L'éloté. Pardon. Ok, voilà. Bon, ça me rappelle la bise. Demande de prière, Ezali Lukutatera, c'est vrai. C'est vrai. Nous avons besoin de vos prières. Ero, ça me rappelle la Nandaku, Er Moko, so aussi ici, famille. Er Moko, Bochaka, bise dans ma prière. Ngai ka te me bandeko nyonso bozo mona oyo bazo bima ko kolobela makambo mboka. Parce que bandeko na biso oyo ya Félix o bazo supporter Félix bango bazali partout na ba réseaux sociaux, bazali na Kindoki, bazali na Koyiba, bazali na Kobeta makofi, bazali partout. Alors tout est possible na bango. Et na tango tozo bima boye, il y a des gens kuna ba vandi na Kasai kuna bazo sala ba invocation na bango. Alors, tu as besoin de la prière, na bino, ero moni biso, to bimi pe na live boye, ava Olanda, o cheli boko, nzambe, salisa tata oyo, makamuna ye, ndenga zo bandati, ya kosilisa, na kombo ya Yesu, makila na ye, ezinga ye, milimo nyo, seka wuta na kabe ya kamuanga Air Force, ezwa ete. C'est très important, c'est pas une aventure, c'est une blague, c'est très important. Tu as besoin d'un mot. Voilà. Donc, merci. Na inbox, ce qui nous a connu, c'est mon néné. Na mona ka maman Espérance Mutuku, place au sala ka ba émission na yo, espace c'est mon néné. Est-ce que okoyuko ko yamba bisote to pe sa adresse? To pe sa adresse to kuta la kuna pour la réunion wana. Alors, Bakirina n'a pas Bitakwira, donc Bavan n'est pas Bitakwira. Basaladano, réunion préliminaire, wana. Après, Matamaski à Okende. Comme ça, on va s'organiser autrement. Allez, merci beaucoup. Merci, Abilé, mais ça prouve que je vous aime beaucoup, moi, na Katabino Ezate. Allez, Tokéi, semaine à Malamu, Misala Malamu. Pour la bonne classe, Kotanga Malamo, revoir vos cours, c'est très important. Bana classe Ming, Batanga ka R examen. Ezamabe. Et pourtant, R examen, ezali R se reposer. Kotanga Penza, c'est maintenant. Ezali R examen. Okena ba librairie, ba bibliothèque vide, ba librairie vide. Maintenant, R examen. Ba librairie, ba bibliothèque, place à revendre des athées. C'est pas comme ça. Préparation à classe et à la canamoma oyo. Allez, au revoir à tout le monde. Bye bye.